Radio FR vous présente la journée intercantonale de la formation professionnelle. Notre journée de la formation professionnelle et de l'apprentissage se poursuit avec une valeur montante du hockey fribourgeois. Bonjour Yannick Chassot. Bonjour. Sois le bienvenu. Tu es né en 1996, tu as 19 ans, c'est juste ? Exact. Junior Elite A chez Fribourg-Gotteron. À quel âge as-tu commencé à jouer au hockey sur glace ? À 4 ans j'ai commencé. C'est tôt ça, hein ? Ouais, pas mal encore. Et en règle générale, quand on devient hockeyeur professionnel, c'est à quel âge qu'on commence, au plus tard, on va dire? Au plus tard, je pense 8 ans, je pense. Quel a été ton parcours avant de te retrouver chez les Dragons, en quelques mots? J'ai commencé à Marlier, puis après, ma dernière année au Mosquito, je suis arrivé à Fribourg, puis jusque-là, je suis arrivé en junior, quoi, jusqu'à maintenant. Ton avenir, la question se pose même pas, tu le vois bien sûr dans la première équipe. Hein. Ouais, ce serait un rêve. Maintenant, il y a encore du chemin pour ça. En parlant de rêve, Gotteron, c'est le seul club qui te fait rêver ? Bah ouais, c'est le club où j'habite, quoi. C'est ça. Mais quand on regarde un petit peu ce qui se passe en Amérique du Nord, par exemple, certains Suisses ont fait le pas pour aller jusque là-bas. Ça aussi, c'est un rêve que tu caresses ? Ouf, ouais, pas vraiment. Je me concentre déjà plutôt à réussir là, et puis après, on verra pour la suite. C'est bien de garder les pieds sur terre, on t'en félicite Yannick. Si tu es avec nous, c'est pas que pour parler hockey sur glace, on va aussi s'intéresser à cette fameuse filière sport-études, indispensable pour quelqu'un qui est en formation comme toi et qui veut en même temps pratiquer le sport à haut niveau. Comment est-ce que tu partages ton temps entre ton métier, l'horticulture, les cours et encore le hockey? En fait, il y a eu un arrangement qui s'est fait entre Fribourg et puis mon métier. Puis le patron, il me laisse aller aux entraînements. Puis une fois que j'ai fini, je vais directement au boulot. Puis tout d'un coup, on a un match comme le vendredi, il me laisse partir plus tôt. Un patron compréhensif, autrement dit. Oui, vraiment. C'est quand même plus compliqué pour lui d'avoir quelqu'un qui fait beaucoup de sport qu'un employé normal qui sera là toute la journée. Ouais, on est là moins souvent qu'un autre employé, quoi. Forcément, mais quand t'es là, tu te donnes à 200%, je pense. Pas le choix. À quoi ressemble une de tes journées type depuis le réveil ? À quelle heure le matin, par exemple ? Je me réveille à 5h. Waouh ! Comme Elodie et Rio, décidément. On a rendez-vous à 6h45 au dépôt. Puis après, je fais ma journée jusqu'à 5h30. Puis directement après, je pars à l'entraînement jusqu'à 8-9h. Puis je rentre à la maison et puis étudie un peu s'il y a, sinon on dort. Donc le boulot, c'est du lundi au vendredi. L'entraînement, c'est aussi le week-end Oui, on a le samedi matin. Et puis les matchs, en règle générale? D'habitude, ça se passe le vendredi soir et puis le dimanche. Actuellement, vous êtes en pause pour le championnat? Bon, on a recommencé il y a 2 semaines l'entraînement physique, en fait. Ah, quand même? Ouais. C'est jamais très long les vacances quand on est sportif de haut niveau. Hein. Est-ce qu'il te reste encore du temps, Yannick, pour sortir, pour t'amuser, pour voir les amis, la famille? Oui, il y a encore du temps, mais ouais, sortir, on évite un peu. Si un jour tu te retrouves hockeyeur professionnel, je pense que c'est ton rêve, bien sûr. Oui. Est-ce que l'horticulture va te manquer? Ouais, je ferai ça, je pense, autour de la maison, parce qu'on passe temps. Ah, puis c'est clair que quand on fait du sport à haut niveau, il y a un moment où il faut songer à s'arrêter. Soit on se reconvertit dans des carrières d'entraîneur, de dirigeant de club, de consultant, ou alors on est obligé de retrouver un métier entre guillemets normal. Ouais, c'est aussi pour ça que je fais un CFC, comme ça j'ai au moins un papier derrière. Puis si même ça rate dans le hockey, ou si j'y arrive pas, au moins j'ai un papier derrière, puis je peux faire un plan B. Quel conseil tu donnerais à un jeune qui, comme toi, a un sérieux potentiel, qui aimerait faire une carrière professionnelle, par exemple, de hockeyeur à haut niveau? Qu'est-ce que tu lui conseilles? Même s'il sait qu'il va réussir, il faut quand même avoir le papier derrière, parce que tu sais que ça, tu ne vas pas faire jusqu'à 65 ans, l'âge de la retraite, donc il faut quand même penser plus tard. Aujourd'hui, c'est la journée intercantonale de la formation professionnelle et de l'emploi sur Radio Fribourg. Si vous êtes une entreprise à la recherche d'apprentis, à motiver comme Yannick, si vous désirez en savoir plus sur les différentes filières de la formation professionnelle, tous les bons tuyaux sont bien sûr en lien sur notre page radiofr.ch. Yannick, ça a été un plaisir de t'accueillir. Passe une bonne journée. Merci à vous. Et puis bonne chance pour la suite surtout. Merci.